La délégation du ministère coréen des Affaires étrangères, conduite par son vice-ministre Shin Hong-chol, a quitté le 1er août Pyongyang par avion pour visiter des pays africains.